Le pou, la clé. Dans la symétrie de la ponctualité, la constance règne. Régulière et assidue, l'ordre et la précision en toute fidélité. Fréquence et uniformité, toujours au rendez-vous. Rythme et rigueur dans chaque battement. Sincérité et persévérance en tout moment. Justesse et continuité sans irrégularité. Le bout de la vie en parfaite harmonie. La fiabilité, une discipline sans faille. Conformité et cadencement en toute fidélité. Monotonie et rigueur sans dérail. Rythme et sincérité en toute vérité. Rigueur et rythme dans chaque battement. Et sincérité et persévérance en tout moment. Justesse et continuité sans irrégularité. Le bout de la vie en parfaite harmonie. La pendule marque le temps avec exactitude. Fréquentation et harmonisation en toute légalité. Le commissaire en compte en toute rectitude. Stabilité et conseil constitutionnel en toute égalité. Rythme, rigueur dans chaque battement. Sincérité, persévérance en tout moment. Justesse et continuité et sans irrégularité. Le bout de la vie en parfaite harmonie. Le ferroviaire suit l'horloge comme un métronome. Audience et référendum en toute transparence. Constitutionnelle et égalité sans syndrome. Facilité et loi en toute constance. En toute constance. Rythme et rigueur dans chaque battement, sincérité et persévérance en tout moment, justesse et continuité, sans irrégularité, le bout de la vie en parfaite harmonie. Conscience et consonance en toute convenance. Droiture et durabilité en toute énergie. Épidémicité, équilibre sans dissonance. Euphonie, eurythmie en toute harmonie. Ah! Rythme et rigueur dans chaque battement, sincérité et persévérance en tout moment, justesse et continuité, sans irrégularité, le bout de la vie en parfaite harmonie. Existence et fluidité en homogénéité, immuabilité et licencité, à toute minutie, moralité et obstination, à toute vérité, opiniâtre en permanence, en toute harmonie, et arrête mes rigueurs dans chaque battement, sincérité et persévérance, en tout moment, justesse et continuité, sans irrégularité. Et je vous dis, le bout de la vie en parfaite harmonie. La régularité, clé de la réussite, permet de se dépasser, de franchir les limites, avec constance et rigueur, on atteint les sommets. La persévérance, notre allié, pour toujours, pour progresser. Là. La clé, l'amour, le pouls.